Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3. Question 127. De l'audace. Que, l'audace est parfois un péché opposé à la force. 1. L'audace est-elle un péché? Il est écrit, n'allez pas en voyage avec un audacieux, de peur qu'il ne fasse peser sur vous ses propres maux. Ecclésiastique 8, 18. La passion de l'audace rentre dans la vertu de la force, quand elle est modérée par la raison. Mais, les passions pouvant s'écarter de la raison, soit par excès, soit par défaut, et devenir ainsi des vices, l'audace dénuée de modération est un péché. Assez souvent, en matière de passion, les noms désignent l'excès. Parlons-nous de la colère, nous entendons généralement une colère déréglée, et conséquemment vicieuse. C'est ainsi qu'il faut entendre l'audace, quand on en fait un péché. 2. L'audace est-elle opposée à la force? Chaque vertu morale doit observer dans sa sphère le mode prescrit par la raison. Tout vice qui méconnaît ce mode dans la matière d'une vertu est contraire à cette vertu même, comme le désordre est opposé à l'ordre. L'audace, comme vice, désigne l'excès de la passion qui porte ce nom. Elle est conséquemment opposée à la force, qui a pour objet, nous l'avons vu, de modérer la crainte et l'audace. Note. Les audacieux, dit le philosophe, plein d'ardeur avant le combat, se retirent quand ils le voient de près. Ils ne sont pas véritablement forts, ils cèdent à la crainte. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.